De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. On se retrouve pour De l'huile dans les rouages pour une nouvelle chronique. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'auto-empathie. Qu'est-ce que c'est que l'auto-empathie ? Oui, alors l'auto-empathie, c'est l'empathie tournée vers soi. On peut appeler ça aussi, pour faire simple, la météo intérieure. Déjà, l'empathie, peut-être redéfinir, c'est quoi ? C'est pas si simple que ça, mais en fait, c'est la connexion à l'émotion de l'autre, quand c'est tourné vers l'autre, sans forcément en être complètement envahi. Voilà, et là, on retourne un peu cette empathie vers soi. Voilà. T'as un exemple, peut-être, pour nous aider à comprendre mieux ? C'est, par exemple, il m'arrive quelque chose de très désagréable. L'autre jour, je me fais couper la priorité en roulant, et je suis arrivée à mon bureau, j'étais pas bien du tout. Et du coup, j'ai pris le temps de m'asseoir et souffler un bon coup et de dire « comment je me sens ?» Donc moi, je commence à être habituée. Donc je sentais que j'avais de la colère et que j'ai eu très peur aussi. Et donc ça, c'est la première étape, c'est je me suis posée et j'ai essayé d'identifier les émotions qui me traversaient. Donc ça m'a déjà un peu apaisée, ça m'a déjà fait redescendre d'un étage. Et puis, je peux aller plus loin dans l'auto-empathie, je peux aller chercher quels besoins, on en a parlé lors de la dernière chronique, sont satisfaits ou pas. Donc là, j'ai des émotions désagréables, de quoi j'aurais eu besoin, qu'est-ce qui est à satisfaire en ce moment là pour moi, parce que je suis toute troublée d'avoir eu cette altercation avec la voiture. Eh bien, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de fiabilité aussi. La personne n'a pas forcément fait exprès, mais chez moi c'était aussi un besoin de sécurité puisque j'ai eu très peur qui n'a pas été rempli. Après, une fois que j'ai identifié ces besoins, je vois que l'événement est passé, j'ai plus de prise dessus, et là déjà ces deux étapes de mes émotions puis mes besoins, ça m'a fait redescendre. Après, comme je suis basse, je peux analyser un peu la situation et me dire là je peux plus agir dessus, je peux mieux accepter et je peux mieux passer à autre chose ensuite. Et là, c'est un exemple plutôt négatif qui t'est arrivé. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir cette auto-empathie vers quelque chose de plus positif? Oui, tout à fait. Moi, je vous invite à faire de l'auto-empathie, même quand vous vivez des moments agréables. Par exemple, l'autre jour, j'avais un début de journée difficile, puis j'ai mangé avec une amie, et quand je suis ressortie de ce moment partagé ensemble, je me suis sentie vraiment très, très bien. Et si j'analyse les choses, en fait, qu'est-ce que je ressentais? C'était de la joie, c'était de la sérénité en même temps. Et si je prends le temps de me dire quels besoins ont été remplis, eh bien, moi, j'ai mangé, c'est un besoin fondamental, j'ai mangé quelque chose de bon. Donc, ça me remplit aussi mon besoin d'esthétique au sens du goût. Et puis, j'ai rempli avec mon ami un besoin de partage, un besoin de rire, un besoin de connexion. Et en fait, on peut faire le lien, quand j'ai besoin de partage, quand j'ai besoin de rire, quand j'ai besoin de connexion, une de mes stratégies qui fonctionne bien et qui me semble saine, eh bien, c'est d'aller vers mon amie, de passer du temps avec elle, voire de manger ensemble. Comme ça, on allie plusieurs besoins ensemble. Donc, quand vous avez identifié les stratégies qui correspondent aux besoins importants pour vous, vous pouvez les reproduire. Donc, ça vous rend vraiment acteur de votre bien-être et de votre équilibre. Et comment on va mettre ça en place alors ? Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ritualiser les choses. Oui. Parce que si vous mettez en place cette habitude, vous n'attendrez pas d'aller trop mal pour le faire. Donc, choisissez un moment dans la semaine, ça serait bien au moins une fois par semaine, qui vous convient, le lundi matin ou le soir en famille, le midi, quelque chose qui revient souvent. Et puis, vous choisissez une façon de le faire. Donc, par exemple, moi, je m'assois, je pose mes deux pieds au sol et je fais 5 respirations. Ça me fait une sorte de sas avant ce qui s'est passé avant. Ça m'aide à me calmer si c'était une émotion un peu forte. Et après, ça finit par créer un conditionnement. Donc, vous trouvez votre moment, trouvez votre façon de faire. Est-ce que c'est écouter une musique en même temps? Est-ce que c'est allumer une bougie? Est-ce que c'est quand vous prenez votre douche? N'importe. Ritualisez les choses. Merci Noémie. Alors, tu nous parleras de quoi après? Alors, je vais vous proposer justement, pour faciliter cette auto-empathie, plein de façons de faire cette météo intérieure. Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.